Des formations nationalistes sud-coréennes, y compris le Conseil pour la réunification pacifique de la nation Tamigun, ont lancé le 29 juillet une déclaration contre les crimes des États-Unis et du Japon. La déclaration dit notamment « C'est aujourd'hui, jour pour jour, que les États-Unis et le Japon avaient conclu l'accord Katsuratafut pour arracher notre territoire sacré et la souveraineté nationale. Il s'agit de l'entente criminelle pour la division de notre nation. » Le droit japonais de défense collective signifie qu'il combat à la place des États-Unis en supposant réellement une guerre dans la péninsule coréenne. Il faut que les États-Unis s'abstiennent de soutenir l'exercice du droit japonais de défense collective.